Merci Seigneur. À Sainte-Bois. Aïe, à Sainte-Bois. Tu es le Dieu des miracles. Wewe ni Mungu wa miujiza. Tu es le Dieu véritable. Wewe ni Mungu wa kweli. Et il n'y a point de Dieu comme toi. Na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Il n'y a point d'espérance loin de ta face. Hakuna tumaini mbali tu es le véritable. Wewe ni wa kweli. Et la vie éternelle, le soutien de nos âmes, le soutien de notre existence, le Dieu de notre vie. Nous t'appartenons en propre, racheté au grand prix par Jésus-Christ. Et ce matin, ô Dieu, nous te bénissons pour un miracle à la famille Makoma. Merci d'avoir libéré cet enfant. Merci d'avoir exaucer la prière de cette famille, la prière de l'église. Merci d'avoir exaucé leur sacrifice. Oh Dieu, merci pour tout ce que tu as fait jusqu'ici. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu nous as soutenus. Jusqu'ici, tu as été avec nous. Tu ne nous as pas laissé. Tu ne nous as pas laissé tomber. Tu es avec nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Dans ce programme du tournant décisif, tu viens au nom du Seigneur. Tu viens au nom du Seigneur. Pour rencontrer un homme et une femme. Et lui accorder un tournant. Plus que jamais. Tu viens Dieu des cieux. Yahweh. Viens dans ce tournant décisif. Viens rencontrer un homme. Viens rencontrer une femme. Viens rencontrer un enfant. Viens rencontrer les entrailles d'un couple. Viens rencontrer les entreprises de quelqu'un. Viens, Seigneur, dans toute ta puissance. Tu scannes cette assemblée pour recueillir les larmes. Tu scannes le cœur et la vie de quelqu'un pour recueillir son souci. Tu scannes cette ville pour recueillir les préoccupations. Tu scannes cette nation pour recueillir les larmes. Et tu relèves un peuple. Tu élèves un peuple afin, Seigneur Dieu, de démontrer de quoi tu es capable. On t'appelle Yahweh. On t'appelle l'ancien des jours. On t'appelle le véritable. On t'appelle le Dieu puissant. On t'appelle El Shaddai. On t'appelle le Dieu qui guérit. On t'appelle le Dieu qui change les situations, le maître des temps et des circonstances. On t'appelle le Dieu qui ne change pas, le véritable. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, prends en charge ce programme. Prends en charge ce programme. Nos cœurs sont disposés. comme de l'argile devant les potiers pour être façonné, mais aussi pour être exaucé. Fais le Seigneur, quiconque entre dans ce programme ne sortira pas comme il est rentré. Au nom de Jésus-Christ, je décrète que chacun, homme et femme, qui entre dans ce programme connaît un tournant en matière de réussite dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, accomplis ces choses à cause de ton intégrité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Tu vas saluer le voisin, tu lui dis bienvenue dans le tournant décisif. Alléluia. Amen. Et nous avons dit le dimanche passé par madame que le but de ce tournant décisif, c'est d'équiper le peuple de connaissances, de capacités, d'habileté, de conscience pour le booster à une nouvelle dimension de sa connaissance de Dieu, de sa connaissance de soi, de son engagement pour Dieu, une nouvelle dimension de son service pour Dieu et pour son royaume, une nouvelle dimension de sa réussite dans la vie. Alors tourne-toi vers quelqu'un et demande-lui, as-tu déjà réussi dans la vie? Est-ce qu'il a répondu? Alors dis-lui, saisis cette opportunité. On acclame très bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Et on m'a fait savoir qu'il y a un bien-aimé, un visiteur de Marc qui est arrivé. Au milieu de nous. Vous savez, la fois passée, nous avons prié pour notre frère Mvunzu, le procureur général qui partait à Kin. Et celui qui les remplace est arrivé. Et il est au milieu de nous, on voudrait l'accueillir. Je ne sais pas, il est où. Oh, avec son épouse. Soyez les bienvenus. Karibuni. Et que le Dieu de grâce, na Mungu wa neema, le Dieu du tournant décisif, Mungu wa tournant décisif, vous soutienne dans cette mission ndani ya kazi hiyo, et qu'il vous accorde sa grâce, na wapatie neema yake, sagesse, awape hekima, intelligence, akili, connaissance, maarifa, conseil, na awape shauri, dans ses fonctions. Ndani ya kazi hiyo. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. Amina. Alors, le thème de notre tournant décisif, c'est tout ce qu'il fait lui réussit. Mada ya kipindi hiki ni yote anayoifanya. Et comme on a pris assez de temps, na kama je vous propose le texte de base. Jisi hatuna muda mwingi. Somme chapitre 1 verset 1 à 3. Zaburi 1:1 hadi 3. Et puis Josué 1:6 à 9. Na Yoshua 1:6 hadi 9. Et Genèse 39 verset 1 à 5. Na Mwanzo 39:9. Permettez-moi de lire juste le texte premier de psaume chapitre premier. Et puis nous allons entrer dans notre thème du jour. Si vous avez trouvé le texte, comme c'est le premier jour, j'aimerais que tu te lèves et tu lises avec moi. Et tu lis avec conviction parce que ceci va arriver pour toi. Alléluia. Amina. Lévons-nous avec courage. Dans ce tournant, on s'élève avec énergie. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Psaume chapitre 1er. Zaburi sura moja. 1, 2, 3. Verset 1. Moja, mbili, tatu, twende. Allons-y. 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui s'assied en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. tout ce qu'il fait lui réussit. Alors écoute frère, tout ce qu'il fait fait quoi? Inafanya nini? Inafanikiwa. On a dit lui réussit. Inasema anafanikiwa. Alors va inverser. Sasa tutageuza. Tout ce que je fais me réussit. Yote nayoifanya inafanikiwa. Est-ce qu'on peut lire cela de cette façon là? Tunaweza kusema hivyo. Et tout ce que je fais me réussit. Inafanikiwa. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Et vous pouvez vous asseoir devant le Seigneur. Na mnaweza keti mbele za Bwana. Nous aurons plusieurs intervenants durant le mois. Tutakuwa na wa nenaji wengi. Et à partir de ce matin, je voudrais aborder la première partie de ce thème. Na asubuhi ya leo ningependa niingilie sehemu ya kwanza ya imani. Intitulé, ambayo nilisema. Les bases, misingi, les bases, misingi de la réussite. Ya mafanikio. Selon Dieu. Kufuatana na Mungu. Les bases de la réussite selon Dieu. Misingi ya mafanikio kufuatana na Mungu. Si il faut réussir. Kama inapaswa kufaulu. Cela ne vient pas comme un cadeau. Hii haikuje kama zawadi. La réussite. Mafanikio. N'est pas un paquet. Siyo zawadi moja. Que Dieu vient déposer dans tes mains. Ambayo Mungu anakuja kutia tu mikononi mwako. La réussite. Kuweza. Est une réponse. Ni jibu. À un comportement. Kwa tabia fulani. C'est une réponse. Ni jibu. À des principes. C'est une réponse Nijibu. À des valeurs. Quoi? C'est une réponse Nijibu. À une décision. Quoi? C'est une réponse Nijibu. À une manière d'être. Kwa namna ya kuwa. Et à une manière de faire. Na namna ya kufanya. Si tu pensais que la réussite kama ulifikiria signifie kwa ramasser $100,000 sur la rue, inamaanisha kuokota pesa quelqu'un nyingi vient de faire barabara. Tomber son paquet. Il avait 100,000 dollars, il allait à la banque. J'ai ramassé les 100,000. Dieu m'a donné ma réussite. Faux. La réussite provient de quelque chose que tu vas faire. C'est pourquoi il faut connaître les bases. Et ce texte démontre tout ce qui lui fait lui réussit vient après une série de choses qui sont proposées. Tu vas méditer sur cela à la maison. Alléluia. Amina. La première base msingi wa kwanza de la réussite selon Dieu mafanikiwa kufuatana na Mungu que je voudrais aborder ce matin, ambao ningependa nizungumzie asubuhi leo, c'est connaître ton nom divin. Nikujua jina lako la kimungu. Dans le psaume chapitre 1 verset 1. Ndani ya Zaburi moja les deux premiers mots disent mambo ya kwanza ya heureux l'homme. Inasema heri mtu. Quel homme? Mtu gani? Pour parler réussite. Ili tuzungumzie mafanikio. Nous devons savoir qui nous sommes. Tunapaswa kujua sisi ni wanani. Qui réussit? Nani anayefaulu? La première question ou la première base de la réussite, c'est qui tu es. Tu peux poser la question au voisin. Quel est ton nom? Il t'a donné le nom? Donnez-lui le nom. Le nom qui vient d'être mentionné dans la bouche de ton voisin, c'était Audi, on m'appelle Eston. On m'appelle Joseph. On m'appelle Christian. Wananiita on m'appelle Aurore. Wananiita Aurore. Mais qui t'appelle Aurore? Lakini nani anakuita hivyo? Mon papa. Baba yangu. Ou mon grand-père. Ama babu yangu. Ma mère m'a dit que c'est un grand-père qui m'avait donné le nom de Stone. Hata mimi waliniambia kwamba ni babu ndiye alinipatia jina langu. Mais il était pasteur. Lakini alikuwa mchungaji. Heureusement pour moi. Heri kwangu. Alléluia. Amen. Quel est ton nom? Jina lako nani? Ton nom vient. Il y en a qui donne le nom. Et quelqu'un est allé voir un couple qui venait d'accoucher, dit upatie jina yangu mtoto yako. Kuna wengine wanawapatia jina watoto. Et puis on prend le nom. Alikuja tembelea mtoto na unachukua jina hilo. Quel est ton nom? Jina lako nani? Et ces noms parfois sont à la base de beaucoup de défis dans notre vie. Na jina hizi ni misingi ya shida nyingi maishani mwetu. On t'a appelé Masumbuko. Wanakuita Masumbuko. On t'a appelé Chitimulisu. Chitora. Wakakuita jina hizo. Ata appelé Machozi. Tab. Ata appelé tout ce que tu connais. Wakakuita ile majina yote unayajua. Parfois tu fais face à des machozi. Na kila wakati il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Jaebet. Kuna mtu ndani ya Biblia wanayemuita Jaebet. Qui gémit. Na mbaye anateseka kila mara na kulia. On l'a appelé Jaebet parce que sa mère walimuita Jaebet sababu mama yake dans la douleur. Alimsaa ndani ya uchungu. Elle a dit oh quelle souffrance. Quel chagrin j'ai connu. Nimeona toi là. Ton nom sera Jaebet. Jusqu'à ce que ce jeune homme comprenne que le nom que je porte. Et il partit devant l'Éternel et dit Dieu, si tu me bénis, si tu élargis mes limites. Et il a commencé à parler à l'Éternel. Pourquoi tu parles à l'Éternel? Va parler à ta mère. Il dit non. Si je parle à ma mère, elle peut changer Jaebet à Masumbuko. Il y a un seul qui peut te donner le vrai nom. Il s'appelle Yahweh, le Dieu vivant. Vous savez, Dieu est préoccupé Mungu anashughulika des noms que nous devons porter ou des noms que nous avons. Ama jina tunazo. En fait, kwa kweli, tu as un nom una jina au ciel. Mbinguni. Je m'appelle Eston. Naitwa Nehemia. Mais j'ai un nom au ciel. Lakini na jina mbinguni. Qu'est-ce que Dieu m'appelle? Mungu ananiita nani? Comment Dieu m'appelle? Namna gani Mungu ananiita? Quand vous m'appelez Eston ici. Unaponiita Eston Nehemia hapa. Et Dieu, comment il m'appelle? Mungu ananiita nani? Lisons un texte. Tusome andiko moja. Juges chapitre 6. Waamuzi sura 6. Verset 7 et suivant. Mstari wake wa 7 na kuendelea. Rapidement. Tusome mbio mbio. Regardez cela. On vous a remis un bout de papier. Waliwapatia karatasi moja. C'est pas encore. On va distribuer ça en même temps. C'est le fardeau de ce mois du tournant décisif. Ce sont les requêtes pour lesquelles tu seras en train de prier. Ça va t'aider à t'orienter. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 7. Juges chapitre 6. Waamuzi sura 6. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays de lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébin d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, Gédéon. Qu'est-ce que vous avez observé? L'Éternel est avec toi, Gédéon. Oh Dieu, comment tu appelles ce Gédéon? Joas l'appelle Gédéon. Mais toi au ciel, tu l'appelles qui? Le Dieu des cieux lui dit, moi je t'appelle vaillant héros. Écoutez frère, sœur. Tu as un nom que Dieu a affecté sur ta vie. Il y a un nom que tu portes au ciel. Regarde ton voisin. Si tu connaissais son nom, tu allais te lever et lui donner ça. Mais même quand tu lui donnerais ça, lakini hata kama ungempatia, il n'allait pas te comprendre parce que lui-même ne connaît même pas son nom. Hangekuelewa sababu yeye mwenyewe hajua hata jina lake. Il y a un nom au ciel. Kuna jina mbinguni. J'ai un nom au ciel. Na kuwa na jina mbinguni. Et c'est ce nom. Na ni hii jina. Qui détermine. Ambayo naonyesha. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Nini nafanya ulimwenguni? Quel est mon rôle sur la terre? Kazi yangu duniani ni nini? Pourquoi Dieu m'a créé? Namna gani sababu gani Mungu aliniumba? C'est par ce nom-là. Ni kupitia jina hilo. Que tu peux être une bénédiction. Unaweza kuwa baraka. C'est par ce nom. Ni kupitia jina hili. Et c'est ce nom-là. Na jina hili. Qui cache. Ndio nafichika. Ta raison d'être. sababu ya kuwa kwako sur la terre duniani. Pourquoi suis-je sur la terre? Sababu gani niko duniani? Il y a un but. Kuna lengo. Mais ce but, lakini ile lengo, est caché dans le nom imefichikwa que Yahweh, ambayo Yahweh m'a donné. Alinipatia. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Quel est ton nom? Jina lako nani? Maintenant tu veux poser la question à ton voisin. Unaweza kuuliza jirani yako tena. Quel est vraiment ton nom? Jina lako hakika ni nani? Un jour, siku moja, Zacharie Zakaria jouait son rôle dans le sacrificateur, dans la sacrificature. Alikuwa anafanya kazi yake ya ya. Il n'avait pas d'enfant depuis des années. Alikuwa hana watoto siku nyingi. Et puis l'ange lui dit, na malaika akamwambia, ta femme Elisabeth va mettre au monde maintenant. Mke wako Elisabeth Zacharie ne crut pas. Na Zakaria hakuamini. Et l'ange lui dit, tu seras muet. Na malaika akamwambia utakuwa bubu. Jusqu'à ce que l'enfant va naître. Mpaka mtoto atakapozaliwa. Vous pouvez lire cela dans Luc chapitre 2. Unaweza kusoma hiyo ndani ya kitabu cha Luka sura 2 kuanzia mstari wa 56. Na mtoto alipozaliwa, la famille vint. Jamaa ikakuja. Et dire, na wakasema, à Elisabeth. Wakamwambia Elisabeth, comment on va appeler l'enfant? Tutamuita mtoto jina gani? Elisabeth dit, on va l'appeler Jean. Elisabeth akasema tutamuita Yohana. La famille dit, non, pas question. Jamais kasema hapana. Nous allons l'appeler Zacharie. Tutamuita Zakaria. Et la discussion s'est engagée. Na mazungumzo yakaanza hapa mabishano. Jusqu'à ce qu'on a appelé papa muet. Mpaka wakamuita baba ambaye alikuwa. Et toi qui es muet aussi. Depuis que tu étais à l'église là. Ulikuwa uko. Dis-nous alors quel est le nom de l'enfant. Tuambie sasa jina. Et donnez-moi une tablette. Asema mniletee. Et on lui a amené une tablette. Wakamletea fasi ya kuandika. Il a écrit ça. Akaandika. Jean est son nom. Yohana ni jina. Tu as eu ce nom où? Ulipata jina hili wapi? Dans les lieux très saints. Ndani ya mahali patakatifu. Laisse-moi te dire. Acha nikuambie. Il y a un nom. Ya kwamba kuna jina. Sur ta vie. Juu ya maisha. Dans les lieux très saints. Ndani ya mahali patakatifu sana. On peut beau t'appeler Zacharie. Wanaweza kukuita Zakaria. Mais dans les lieux très saints existe un nom. Lakini ndani ya mahali patakatifu. Et ce nom est déterminant. Na hii jina ni ya maana. Pour le sort de ton existence. Juu ya maisha yako. Et tu devrais dans ce tournant décisif chercher ton nom avant la fin de ce mois, avant la fin de ce programme. Oh, j'ai pris que Dieu te donne ton nom. Si tu ne l'avais pas encore découvert, Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un, ouvre les yeux d'une femme, qu'il arrive à accéder à son nom, qu'il découvre son nom qui a été prononcé dans les lieux très saints au ciel. Là où Dieu décide de la création des hommes, là où Dieu a décidé de ton existence, il a aussi décidé d'un nom. Savez-vous, frères et sœurs, que le Dieu des cieux s'assiérait pour fabriquer un stone juste pour qu'il soit et vaut rien sur la terre? Quel genre de Dieu? Mungu gani ambaye angefanya mambo kama na haya? Ufabrike une Vanessa. Ili atengeneze Vanessa. Et l'envoyer sur la terre. Na mtume duniani. Pour rien. Comme torchon. Kama vile kikoroko. Frères et sœurs. Dada kaka. Beaucoup d'entre nous. Wengi kati yetu. Nous sommes limités. Tunasuiswa. Dans notre compréhension de la volonté de Dieu. Ndani ya kulelewa kwetu kama mapenzi ya Mungu. Nous avons mis notre pensée. Tumeweka mawazo yetu. Dans la médiocrité. Ndani ya utumwa. Et nous pensons. Na tunawaza. Que notre existence. Ya kwamba kuwa kwetu. Est juste pour avoir une femme. Ni kuwa tu na mwanamke. Être au monde trois enfants. Na kuzaa watoto watatu. Construire maison de trois chambres. Kujenga nyumba ya chumba tatu. Acheter une petite voiture. Unanunua kagari kadogo. Et puis aller au ciel. Kisha unaenda mbinguni. Écoute frère. Sikiliza ndugu yangu. Dieu nous appelle à plus que cela. Mungu anatuita juu ya hii. S'écoute au voisin. Et dis-lui. Sikiliza jirani yako mwambie. Il y a plus que ça. Kuna zaidi ya hiyo. Le Dieu des cieux. Mungu wa mbingu. Peut-il s'asseoir? Anaweza kukaa. Pour te fabriquer. Ili akutengeneze. Pour que juste tu aies des enfants. Ili ukuwe tu na watoto wawili. Pour que juste tu aies ta femme. Ili uwe tu na mke wako au mume wako. À quoi ça sert? Inafaa nini? Juste pour mettre au monde. Il tout ça. Chère maman. Eh maman. Oh nous on est des femmes. Oh sisi ni wanawake. Qui t'a dit? Nani aliyekuambia? Que les femmes sont venues sur la terre. Ya kwamba wanawake wamekuja duniani. Les esclaves des hommes. Ili wakuwa watumwa wa wanaume. Oh, nous on est des femmes, tu sais. Oh, sisi ni wanawake, sunajua. Je suis une femme. Si mimi ni mwanamke. J'allaite. Mimi na nyonyesa. J'amène à l'école. Na peleka suleni. Et puis on va m'enterrer. Na kisa watanizika. Qu'est-ce que médiocre. Hii ni kusindwa ya namna gani. C'est si petit, mes frères. Ni utoto ya kidogo sana. Où sont ces femmes de Boha? Où sont ces grandes femmes? Wake awa wakubwa. Dans l'esprit de qui Daniel, Dieu a mis le nom de libérateur. Il y a des femmes libératrices. Il y a des femmes révolutionnaires. Et je crois en ces lieux. Dieu attend quelqu'un qu'on appelle femme, mais qui porte un nom. Et ton nom doit vivre. Je prie que tu découvres ton nom au courant de ce programme et que tu ne sois plus la même personne. Je dehors l'appela vaillant héros, alors que sa famille l'appelait Gédéon. Le ciel l'appelait vaillant héros. Dans notre verset il est écrit vaillant guerrier. Regardez, frère, cette parole. Il est écrit dans ce récit que ce peuple a été sous le coup de Madian. Et Madian, avec Amalek et le fils de l'Orient, pendant 7 ans, ils ont marché sur Israël. Lisez à partir du premier verset, vous allez voir. Il est écrit chaque fois qu'Israël plantait et il récoltait, il devait récolter. À l'approche la récolte, Madian venait et il prenait la récolte. Il prenait les brebis. Il prenait les bétails. La première année, mwaka wa kwanza, ça a été ainsi. Ikakuwa hivyo. Et vous savez, en Orient, na mnajua mashariki huko, il n'y a pas plusieurs saisons. Hakuna wakati nyingi ya kulima. C'est une saison l'année. Ni wakati moja tu. Donc la première année, ni kusema mwaka wa kwanza, Madian il a tout pris. Madian akachukua kilimo yote. Il est parti se reposer. Na wakaenda kupumzika. Et il les a laissés cultiver encore. Na wakaacha tena wakalima. Ils ont cultivé. Wakalima. Il n'est pas venu les déranger pendant qu'ils cultivent. Akuja kuwasumbua walipokuwa kilima. Il les a laissés. Akawaacha hivyo. Jusqu'à ce que la récolte arrive. Mpaka wakati mavuno inakaribia. Et lorsque la récolte arrive. Na mavuno inapokaribia. Eh! Madian arrive. Madian sasa nafika. Et Madian. Na Madiani. Pour bien écraser Israël. Ili gadamize sasa Israël. Il s'associe à un autre peuple, les Amalécites. Na wa Amalek. Il appelle les fils de l'Orient. Wanaita watu wa Mashariki. Et il vient et il ravage. Wanakuja tena na wanachukua mambo yote. Et il ne ravageait pas un quartier. Walikuwa il ravageait tout le pays. Walikuwa wanachukua inchi yote mavuno yake. Jusqu'à Gaza. Mpaka Gaza. Tout le pays. Inchi yote. Et il prenait tout. Na walikuwa wanachukua yote. La troisième année. Mwaka wa tatu. La quatrième année. Mwaka wa nne. 6 ans. 7 ans. Il exista un homme dans ce pays. Qu'est-ce qui arriva? C'est que le peuple cultivait, mais il se disait ils vont encore venir. Et quand Madian venait, ils allaient se cacher dans les ravins, dans les montagnes, dans les rochers, dans des grottes. Chacun essayait d'apporter ce qu'il peut apporter dans sa moisson et sa récolte pour essayer de planter l'année prochaine. Et Gédéon, ce petit, était lui aussi en train d'arranger son blé pour aller le mettre à l'abri. Et la Bible dit, où nous avons lu, pendant qu'Israël souffrait, peinait, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya un prophète. Le prophète veut leur dire, je vous ai fait sortir d'Égypte. J'ai beaucoup fait pour vous. Je vous ai donné des instructions, mais vous ne les avez pas obéi. C'est pour cela que tous ces malheurs vous arrivent. Mais en même temps, l'ange de l'Éternel, malaika wa Bwana, l'image de Jésus, mfano wa Yesu, dans l'Ancien Testament, ndani ya agano la kale, L'ange de l'Éternel vint. Malaika wa Bwana akakuja. Au même moment. Kwa wakati ule ule. Et rencontre un jeune homme. Na namkuta kijana mmoja. Pourquoi tu rencontres un jeune homme? Sababu gani unamkuta kijana? Tu pouvais au moins chercher le chef de l'armée, un général. Ungetafuta jemadari mkubwa. Ou alors cherche un procureur de la République. Ama ungemtafuta mwanzo mkuu. Ou alors cherche un chef de l'État. Ama ungemtafuta chef, cherche quelqu'un. Rais, mfalme. Un grand leader. Mtu mkubwa mwongozi. Non, non. La victoire n'est pas dans les grands leaders. La victoire est dans les noms que j'ai édictés au ciel. La victoire pour toute la nation était cachée dans les noms d'un jeune homme. J'aimerais te dire que la victoire, la réponse, la réussite, l'exaucement de ta famille réside dans un nom. Qui sait? Si le nom en question, kama ile jina, c'est ton nom. Ni wewe. Israël, Israël, vous criez à l'Éternel. Et l'Éternel ne tue pas les maladies, les Madianites. Na Bwana hawaua wa Madiani. La réponse du peuple, jibu la taifa, c'est un jeune homme. Ni kijana. La réponse de la RDC, jibu ya inchi hii ya Kongo, c'est peut-être un jeune homme. Sasa moja ni kijana moja. La réponse de la ville de Goma, c'est une femme peut-être. Quelle femme? Il faut que cette femme porte un nom. Pas le nom de son grand-père. Comme Mobutu nous a donné des noms de nos grands-pères. Pas le nom que ton oncle ou ton ami t'a marqué. Mais le nom qui a été décidé au ciel. Depuis le commencement. Que ton nom vive. Que ton nom vive. Mais pendant que Israël crevait de faim. Il crevait de misère. Et il courait. Et vous savez, quand il y a une guerre, les gens meurent. Il y avait des massacres. Les gens mouraient. Pendant qu'ils mouraient, la solution d'Israël était au milieu d'eux. Dieu dit à quelqu'un ce matin, la solution de l'arche est au milieu de nous. La solution de ta famille est au milieu de nous. La solution de cette ville est au milieu de nous. La solution de l'arche est au milieu de ce pays. Tu n'as pas besoin que l'Occident vienne. Tu n'as pas besoin que les Nations Unies fassent quelque chose. Le Dieu des cieux a déjà donné la réponse dans un homme, dans une femme, peut-être dans une jeune fille. Tu ne te connais même pas encore. Ambaye haujajijua wewe mwenyewe. Tu ne te connais pas. Haujajijua wewe mwenyewe. Tu ne sais pas qui tu es. Haujajua wewe ni nani. Mais Dieu sait qui tu es. Lakini Mungu anajua wewe ni nani. Parce que lorsqu'il t'a façonné, sababu alipokuwa akitaka, il t'a donné en même temps le nom. Alikuwa akikupatia jina. Lorsqu'il t'a façonné dans le sein de ta mère, il a marqué en même temps. Akakuchapisha. Il t'a marqué d'un nom. Akakuweka jina. Pour Gédéon, kwa ajili ya Gédéon, il lui a marqué le nom. Akamuwekea jina. Vaillant guerrier. Shujaa mkubwa. Vaillant guerrier. Shujaa mkubwa. Peut-être pour toi, c'est vaillante guerrière. Ni shujaa. Il y a des vaillantes guerrières ici. Kuna wadada ambao ni wa vaillants guerriers ici qui sont chargés de changer quelque chose. Et avant la fin de ce tournant, tu dois connaître ton nom. Je dois connaître mon nom. Et je prie que Dieu ôte le voile sur tes yeux spirituels. Que Dieu ôte le voile afin que tu perçoives ton nom, que tu prennes conscience de ton nom et que tu rentres dans ton nom. Alléluia. Et toi qui me suis dans les médias, j'aimerais te dire que tu portes un nom. Il faut que tu découvres ce nom. Les jours tu le découvres, tu vas être une solution pour quelque chose. Ta vie ne consiste pas simplement à courir, à chercher l'emploi. Il y a ici des hommes et des femmes qui devraient déjà être des millionnaires, qui devraient être des employeurs, qui devraient être des leaders internationaux. international qui devraient être des leaders et transformateurs sociaux, qui devraient être des meneurs de troupes, qui devraient être des hommes et des femmes utiles. Mais ils se contentent de courir devant les affiches, devant les ONG, pour souscrire dans un emploi. Et au ciel, Dieu est triste et il le regarde. Il dit, voilà ces hommes-là. Il dit, regarde cet homme-là. Je suis triste. Il devait être l'employeur. Mais il a choisi d'être un employé. Il est assis au bas. Au bas des employés, alors qu'il était, devait être l'employeur. Et il y a des centaines d'hommes et de femmes qui traînent, qui n'ont pas de travail parce que leur boss n'a même pas encore pris conscience que c'est lui le boss, que c'est lui qui doit commencer l'entreprise dans laquelle cette femme va travailler. Il y a beaucoup de chômeurs parce que tu traînes à comprendre. Tu es parti t'asseoir sur un banc d'employeur pour recevoir un salaire de 50 000 francs alors que tu devais être un entrepreneur, que tu devrais produire des emplois, que si tu devais engager des multitudes. Il y a des multitudes qui t'attendent. Et ces multitudes, quand ils prient, ils disent, Seigneur, donne-moi du travail. Et au ciel, Dieu regarde sur la terre et il constate avec tristesse que l'employeur qui doit vous employer est allé s'asseoir dans une... dans un poste de 20 000 francs. Malheureusement, il est tellement satisfait de ça. Que Dieu ouvre tes yeux. Sors de cette cachette. Gédéon est parti se cacher. Chaque année, kila mwaka, il allait se cacher. Alienda kujifichika. C'est ce que tu fais. Tu es parti te cacher dans un poste. Unaenda kujifichika ndani ya kazi fulani. C'était son même parti se cacher dans le kimai mai. Wengine wameenda kujifichika ndani hata ya wajambazi. Maadui. Est devenu mai mai. Na megeuka adui. Dans la ville là-bas, tu vois, c'est compliqué. On n'a pas de travail, le gouvernement ne nous donne pas l'emploi. Bon, j'ai trouvé que bon gars na kotizamba. Ah, mimi naingia ndani ya poli. Tu vas te cacher. Unaenda kujificha hakika. Cherche ton nom. Tafuta jina lako. Au lieu d'aller te cacher. Baada ya kwenda kujifichika. Au lieu d'aller mettre à l'abri tes blés. Baada ya kwenda kuweka pembeni. Pose la question au trône de Dieu. Wende kaulize. Dit Seigneur. Quel est mon nom, Seigneur? Jina langu ni nani? Quel est mon nom, Dieu? Jina langu ni nani, Mungu? Je libère le nom de quelqu'un ce matin. Nafungua jina ya mtu asubuhi ya leo. Alléluia. Amen. Que le feu de Dieu a été tiré de tes cachettes. Moto ya Mungu ende kukondoa mali unajificha. Que ce feu a été cherché. Ile moto ende kukutafuta. Dieu qui intervient par le feu. Mungu anayetenda te découvre là où tu te caches. Et qu'il te retire de là. Qu'il te ramène à surface. Parce que tu constitues l'exaucement de toute une nation. Ya taifa nzima. On a prié, on a jeûné pour la nation. Tuliomba tulifunga sababu ya nchi. Alors que la solution, c'est un individu itapokuwa, tibu ni mtu tu mmoja, qui porte un nom ambaye ana jina, du ciel. Ambaye umetokea mbinguni. À quoi ressemble ta vie? Maisha yako yanafanana namna gani? Gédéon s'est caché toutes ces années. Gideon akajifichika miaka hii yote. Jusqu'à ce que il contacte une visitation. Mpaka wakati anatembelewa. Le Dieu des cieux est venu le visiter. Mungu wa mbingu akakuja kumtembelea. Il y a dit, akamwambia, l'Éternel est avec toi. Bwana ni pamoja na wewe. Vaya eho. Ewe shujaa mkuu. La réponse jibu est immédiate. Ni hapo hapo. Il dit, si l'Éternel est avec moi. Anasema kama Bwana ni pamoja nami. Où sont tous ces miracles dont Dieu nous parle, dont nos grands-pères nous parlent? Yote waliotuelezea. Où sont tous ces merveilles dont on nous raconte? Yale maishara zote ambao wanaotuelezea ziko. Et l'ange l'Éternel lui dit, na malaika wa Bwana anamwambia, va avec cette force que tu as. Wende na nguvu unayo. Et ce que j'aime dans ce verset, il dit, va avec cette force que tu as. Wende na nguvu unayo. Et délivre l'Israël. Na ufungue Israël. Il ne dit pas, va avec cette force que tu as pour prier pour Israël. Il lui dit, va avec cette force et délivre Israël. Heureusement, Heri. Gédéon crut. Gideon akaamini. Tu as besoin de croire à ce que Dieu te dit. Unahitaji kuamini ile ambayo Mungu anakuambia. Deuxièmement. Ya pili. Tu as besoin. Unahitaji de te lever. Usimame. Et d'agir. Na utende. Te lever. Usimame. Et agir. Na utende. Te lever. Usimame. Et agir. Na utende. Tu as besoin de connaître le nom. Unahitaji ujue jina. Deuxièmement. Ya pili, de croire à ce nom. Uamini hiyo jina. Et troisièmement. Na ya tatu, te lever. Usimame. Et agir. Na utende. Dites à ton voisin, cherche ton nom. Ambia jirani yako, tafuta jina lako. Et quand tu l'auras, crois. Na utakapo lipata, amini. Et quand tu croiras, agis. Na utakapo amini, tenda. Est-ce que tu lui as dit? Dis ça au voisin. Ambia hivyo jirani. Cherche ton nom. Tafuta jina lako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vaillant héros. Shujaa mkubwa. Tu peux acclamer le vaillant héros qui est à côté de toi. Unaweza kushangilia shujaa mkubwa ambaye yuko pembeni yako. Amen. Dieu dit à Gédéon. Mungu anamwambia Gideoni. Pourquoi tu crois que tu es le petit en Israël? Sababu gani unaamini kwamba wewe ni mdogo? Ma tribu est la plus petite. Anasema kabila langu ni la kidogo. Et dans ma famille. Na ndani ya jamaa langu. Je suis le plus petit. Mimi ni wa kidogo sana. C'est ça le sentiment que tu as. Na ni hii ndio hisia unayo. Je suis né à Masisi. Sinilizaliwa huko Masisi. Je suis né à Kitimuliso. Sinilizaliwa huko Kitimuliso. Je suis né à c'est pas où là vous connaissez. Sinilizaliwa huko huko. Les choses que le pasteur parle là. Mambo ile mchungaji anazungumza huko. Ce sont les choses qui sont nées en ville. Ni mambo ya waliozaliwa ndani ya mji. Nous à Kikwit. Huko kwetu Kikwit. On peut pas faire ces choses. Hatuwezi fanya mambo kama na haya. Tu sais nous à Maboya. Tunajua sisi huko Maboya. Moi je suis de Maboya. Mimi kwangu kwetu ni Maboya. Et puis dans Maboya. Na huko Maboya. Ma famille. Jamaa langu. Est la plus petite, la plus misérable. La kidogo lenye kutesa. C'est vrai frère sœur. Ni kweli dada na kaka. Tu n'es pas digne. Wewe hustahili. Et tu es conscient. Na wewe unajua hiyo. Et tu t'es déjà conforté. Na umejifurahisha. Dans l'indignité. Ndani ya kutostahili. De ton nom humain. Ya jina lako ya ton origine. Tu es déjà confortable dedans. Na unajifurahisha ndani. Et tu as déjà accepté. Na umekubali. Que ma vie c'est cela. Ya kwamba maisha yangu ni hivi. C'est pourquoi tu te bats. Ndio maana unapigana. Pour arranger le blé. Ili utengeneze ngano. Afin de survivre. Ili uishi. Quelqu'un doit lutter contre l'esprit de la survie. Mutu anapaswa kupiganisha hii roho ya kutafuta ili aishi. Avant la fin de ce tournant. Mbele ya kuishi. Tu dois être délivré. Unapaswa kufunguliwa. De l'esprit de survie. Ya hii roho ya kutafuta. C'est l'esprit de Gédéon. Ni hii roho ya Gideoni. L'esprit de Gédéon. Roho ya Gideoni. Il faut prendre l'esprit du vaillant héros. Inaomba uchukue roho. Afin que tu comprennes. Que ta vie ne consiste pas. Ya kwamba à juste survivre sur la terre. Avant d'aller en affaire. Ou avant d'aller au ciel. Nous avons opté, adopté une attitude bizarre. On veut juste survivre dans un foyer. On veut juste survivre dans une boutique. On veut juste survivre à côté de... De l'oncle ou à côté de la tante. Karibu vous voulez juste survivre. Vous voulez juste conserver quelque chose. Unatafutisha maisha, unatafutisha kuchunga kitu fulani. Débarrasse-toi de cet esprit. Ondoka ndani ya ile roho. Dieu t'a pas créé pour juste ça. Mungu akukumba chutu ya hiyo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chena msungumzia mtu. On discuterait cela avec Dieu. Tungepaswa zungumza hii pamoja na Mungu. Il dit Seigneur. Sema Bwana. Tu m'as créé. Uliniumba. Juste pour épouser Rosette. Ili mimi ni et mettre au monde six enfants. Na ni wazae watoto sita. Et Dieu dit non. Mungu anasema hapana. Ça c'est juste des bénédictions de parcours. Hii ni baraka tu ya ndani ya njia. C'est pas pour ça que je t'ai créé. Mimi sikukumba tu kwa ajili ya hiyo. Je t'ai créé pour être la lumière des nations. Nilikuumba ili uwe mwangaza. Et pour porter mon salut aux extrémités de la terre. Na ili upeleke voilà mon nom. Mwisho wa dunia. Voilà mon nom. Jina langu. Une solution pour les nations. Zibu kwa ajili ya mataifa. Une solution pour les nations. Zibu kwa ajili ya mataifa. Et toi tu as ton nom. Na wewe una jina lako. Tu as ton nom. Una jina lako. Quel est ton nom? Jina lako ni nani? Juste acheter une parcelle. Ununue tu kiwanja morcellement bas ce n'est même pas vaste pour mettre une piscine sina hata kiwanja kubwa ili niweke ndani kisima le WC est sous le salon choo iko chini ya salon et les tuyaux on amène ça les tuyaux d'évacuation des gaz plus loin na njia za kupitisha hiyo hewa wanaipitisha mbali La voiture passe la nuit sur la rue. Na gari inalala kwenye barabara. C'est juste pour ça que tu as été créé. Wewe umeumbwa tu tu ya hiyo. Écoutez frères sœurs. Sikiliza dada na kaka. Dieu nous envoie dans ce tournant. Mungu anatutuma ndani ya kipindi hiki. Pour que nous découvrions. Ili tugundue. Pour quelle raison nous sommes là? Tuko hapa kwa sababu gani? Frères sœurs. Dada na kaka. Nous sommes appelés à de grandes choses. Tumeitwa kwa mambo makubwa. Tu es appelé à de grandes choses. Tumeitwa kwa mambo makubwa. Abandonne ces petitesses. Achilia ile utu. Abandonne ces médiocrités. Achilia ile utu. Tu vas me dire, mais pasteur, j'ai déjà grandi, j'ai vidé ma vie. Unasema mzee, laisse-moi t'annoncer que mieux vaut tard que jamais. Acha nikwambie hata umechelewa unaweza kufanya jambo. Et le Dieu des cieux tient. Na Mungu wa mbingu. Sur le nom qu'il t'a donné. Anasikilia jina aliyokupa. Un certain Saül qui devait devenir roi. Ambaye angepaswa kuwa mfalme. Est en train de chercher les ânes. Iko natafuta punda za baba yake. Vous trouvez ça dans 1 Samuel chapitre 10 11. Unaweza kuikuta ndani ya Samuel wa kwanza sura 10. Anatafuta punda za baba yake. Son père. Punda ya baba yake. Et il marche. Na natembea. 3 jours. Siku 3. Entre-temps, le Dieu des cieux a parlé au sacrificateur Samuel. Hapo Mungu akamzungumzia kwa Samuel na akamwambia, la nation est en train de demander un roi. Taifa linaomba mfalme. Et ce roi, je te l'envoie demain. Na ule mfalme nitamtumia kesho. Mais un jeune homme cherche les ânes. Lakini kijana mmoja yuko natafuta wapunda. Et il est fatigué. Na amechoka. Ça fait 3 jours. Imefaa siku 3. Ils ont déjà vidé leur argent de poche. Pesa walioweka mfukoni uli wakule njiani imekwisha. Hakuna tena kitu. Et ce jeune homme Saül dit à son serviteur. Na huki jana Saul anaambia mtumishi wake turudi. On a manqué les ânes de papa. Tumekosa punda za baba. Heureusement il avait quelqu'un qui a une vision et qui comprend les choses. Heri kwake alikuwa na mtu ambaye alikuwa na maono na yeleo mambo. Na kamwambia avant de rentrer. Mbele ya kurudi. Nous sommes arrivés dans un coin où il existe un monsieur qu'on appelle sacrificateur. Tumefika mahali ambapo kuna mtu anayemuita mwonaji. Il peut savoir où réside nos ânes. Twende tukamwona naweza kujua mahali gani mapunda zetu zipo. Alléluia. Amina. Allons le voir. Twende tukamwona. Saul dit je n'ai plus d'offrande à donner à un homme de Dieu. Saul anasema mimi sina tena sadaka kumpatia mtumishi wa Mungu. Lui dit moi j'ai encore un petit rien ici on peut lui donner. Na ule mtumishi akamwambia mimi niko na kitu kidogo hapa tunaweza kumpatia. Et Dieu dit à Samuel. Wakaenda na Mungu akamwambia Samuel. Voilà le roi. Tazama mfalme. J'imagine Samuel qui s'étonne mais petit aboy. Samuel anaweza kusema ah kijana kama na huu. Dieu lui dit c'est lui. Mungu anamwambia ni huyo. Pendant que Dieu dit ça à Samuel, Mungu anapomwambia hivyo Samuel, Saul est sous boule. Saulo hajui hata kitu. Il ne sait pas. Hajui. Il n'a même pas une idée de la royauté. Hana hata wazo ya ufalme. Il n'a même pas une idée qu'un jour il deviendra roi. Hata hana hata il n'a même jamais pensé à ça. Il est juste serviteur de son père. Il est juste un garçon fidèle chez eux. Ça lui suffit. C'est ça que tu es. Tu es juste un serviteur dans ton entreprise. Tu es juste l'épouse de ton mari. Tu es juste le mari de ta femme. Tu n'as jamais pensé que Dieu peut compter sur toi. Laisse-moi te dire ce matin, l'Éternel compte sur toi. C'est toi la solution. C'est toi la réponse. À la prière d'une génération. C'est sur toi que Dieu compte. Ni juu yako Mungu anahesabia juu jibu ipatikane. Et on amena Saül pour le consacrer roi, l'introniser à Mitzpah. Na wakamuleta Saulo Mitzpah ili wamfanye kuwa mfalme. Ce jeune homme a déjà été rempli du Saint-Esprit. Ukijana amejazwa na Roho Mtakatifu. Mais ce jeune homme est inexpérimenté. Lakini ukijana hana utaalamu wote. Il est conscient de cela. Na anajua hii hakika. La Bible dit. Na Biblia inasema. Lorsqu'ils sont allés à Mitzpah. Walipofika huko Mitzpah. Saul aussi est parti. Saulo naye akaenda huko. Il avait même les formations qu'on va pour l'introniser. Alikuwa na habari ya kwamba ile alors siku ndio la séance était disponible, on a la séance était en cours. Wakati watu wote walikuwa wamefika. Les sacrificateurs commencent à chercher le roi selon la procédure. Na makuhani wanaanza kumtafuta mfalme kufuatana na mipangilio ngisi zilikuwa. Et on arriva à la famille de Benjamin. Wakafika kwa kabila la Benyamini. Et le sort tomba sur Saül. Na ile kure kangukia Saul. On cherchait Saül, il n'était pas là. Wakatafuta Saulo haipo. Jusqu'à ce qu'on est parti le trouver dans les bagages. Mpaka walienda kumkuta alijifitika ndani ya mizigo. Le roi se cache dans les bagages. Mfalme anajificha ndani ya mizigo. Pourquoi tu te caches, Saül? Sababu gani unajificha, Saulo? Je n'ai pas d'expérience. Sina utaalamu. Je n'ai jamais dirigé. Sijaongoza. Dans cette nation, il y a jamais eu même un roi. Ndani ya taifa hii hakuja kuwa mfalme mmoja. Je ne sais pas comment on fait la royauté. Je ne suis pas digne. Laisse-moi te dire. L'appel qui est assigné à ta vie. Par le nom divin. Cet appel est tellement élevé. Que tu auras probablement la même réaction que Saül. Qui te dira, je n'ai pas d'expérience, je ne sais pas comment on fait, mais malheureusement ou heureusement, c'est toi. Dieu n'a pas quelqu'un d'autre. Dieu, du haut des cieux, est-ce que tu sais que Saül ne connaît pas? Dieu dit, je sais qu'il ne connaît pas. Je sais que c'est un jeune homme. Je sais qu'il n'a aucune expérience. Il n'a même pas de connaissances royales. Il n'a jamais vu la royauté. Mais c'est lui. Samuel, c'est lui. Tu dois le mettre là. Il va apprendre Nzela Nzela. Laisse-moi te dire ce matin, l'appel qui est caché dans ton nom contient une lourde responsabilité et tu ne sais pas comment ça va être, tu ne sais pas comment cela va arriver, tu ne sais pas comment ça se passe, mais c'est toi. Malheureusement, c'est toi. Tu n'as pas d'échappatoire, même si tu as déjà vieilli, c'est toi. Oh, maintenant j'ai 60 ans, tu vois. Oh, mimi nimekuwa na miaka 60, sunaona. Maintenant tu vois, j'ai déjà beaucoup d'enfants. Sunaona nimeshakuwa na watoto wengi. J'ai une lourde responsabilité. Na kuwa na Dieu dit. Lakini Mungu anasema. C'est toi. Ni wewe. C'est toi. Ni wewe. Aide-moi à dire à ton voisin que c'est lui. Nisaidie ambie jirani yako ni wewe. Tu as une solution pour ta famille. Uko jibu tu ya jamaa yako. Tu as une solution pour ta ville. Uko jibu tu ya. Tu as une solution pour un peuple. Uko jibu tu ya taifa. Tu as une solution pour une nation. Uko jibu tu ya taifa. Alléluia. Amen. Je libère cette puissance. Nafungua ile uwezo. Qui t'y amène. Ambao nakupeleka. Je libère la puissance de Dieu. Vas-y. Prends en charge. L'appel de Dieu sur ta vie. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, les oreilles, pour que tu découvres c'est à quoi tu es engagé dans les cieux, dans les lieux très saints. Tu es connu là-bas. Non, tu vois, moi maintenant j'ai déjà les prostates. Tu vois, maintenant moi j'ai un cancer ici. C'est toi. Cancer ou pas cancer, c'est toi. D'où ça vient, hein? Ton nom. Jina lako. Où fuirais-je loin de ta face? Wapi, où irais-je loin de ton esprit? Wapi, mbali na roho. Si je vais sous les eaux, chini ya maji, tu voilà. Uko, si je monte dans les hauteurs, uko juu, te voilà. Oh, uko. Si je me casse sous les arbres, ta main m'atteindra. Tu ne sauras pas t'échapper. Et kuponyoka. Vous savez quoi? Quand Dieu a prononcé un nom sur ta vie, cela entraîne. Que Dieu le fasse pour toi. Cela entraîne une escorte. Cela entraîne une sécurité surnaturelle. Est-ce que tu sais pourquoi? Tu as passé toute ta vie dans la prostitution, mais tu n'as pas attrapé le VIH. Dieu t'a choisi depuis le sein de ta mère, comme Moïse. Moïse, pourquoi tu survis? Il y a un nom sur moi. Quand tous les bébés sont tués, garçons, moi je ne mourrai pas. Et comme il y a un nom sur ma vie, je ne vais pas courir avec mon peuple pour mendier ma vie, pour transporter les briques. Dans mon nom, dans mon nom contient ma sécurité. Dans mon nom contient mon escorte. Il y a des anges qui sont assignés à mon existence jusqu'à ce que j'accomplisse ma mission, kasi yangu, frère sœur, dada na kaka, à ton nom est assigné une sécurité. À ton nom est assigné une escorte. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu vivras et la maladie qui est en toi, je l'ordonne de partir. Elle doit te laisser le passage. Tu vas dire à ces cancers, laisse-moi, j'ai une mission à achever. Tu vas dire à ce sida, laisse-moi, j'ai affaire. Il y a ici des bishops, mais qui se cachent. Il y a ici des délivrateurs, mais qui se cachent. Il y a des multitudes captives dans les démons, captifs sous les coups de la méchanceté diabolique. Dieu n'attaque qu'une personne. Et cette personne, c'est toi. Car ton nom porte la mission de délivrer les captifs. Ton nom porte la mission de changer la mentalité des gens. Ton nom porte la mission de découvrir le produit pour le cancer. Pourquoi quand il y a cancer, c'est fini pour une personne. Lorsque quelqu'un attrape le cancer, tout le monde dit, hey, c'est fini pour lui. On va l'enterrer bientôt. Et comme ça fait mal le cancer. Ouh. Et on cherche les produits en Europe, on cherche les produits à Gisenyi. Et le frère crève avec le cancer. Et le frère crie à l'Éternel, qui me sauvera de ce cancer. Et Dieu dit, il y a un vaillant héros. Mais ce vaillant héros n'existe pas ailleurs. Il est au milieu de vous. Gédéon, tu es où? Je suis dans la nation. Au milieu de ce même peuple. Moi-même, je souffre de la même souffrance des autres. Alors que je détiens la solution, vous voyez, frères et sœurs, nous peinons ensemble, et toi aussi tu peines, alors que c'est toi qui as la solution de nous tous. Gédéon cachait aussi son blé, alors qu'il était le sauveur de toute la nation. Est-ce que vous me comprenez, frère? Tu as la solution de tout le monde. Et toi, est-ce que tu n'as pas pris conscience de ton nom? Tu cours te cacher toi aussi. Tu te caches. Tu peines aussi. Tu tombes sur un rocher. Et tu te blesses aussi. Alors que c'est toi qui sauveras le peuple. C'est en toi, dans ton nom, que réside la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Je parle à toi. C'est toi qui détiens la solution. Tant que tu ne comprends pas ton nom, nous allons tous souffrir. On va tous rester dans la, à crever. Il y a ici des gens qui doivent faire avancer l'œuvre de Dieu. Des donateurs sans réserve. Tu te dis, oh pasteur, vous savez, il y a des millionnaires ici qui n'ont même pas d'offrande à donner ce matin. Mais que tu le veuilles ou pas, c'est toi le millionnaire à question. Oh Seigneur, millionnaire, je ne suis locataire. Millionnaire, je ne suis pas un problème. C'est ça ton nom. Tu es un donateur sans réserve. C'est comme ça que je t'ai fabriqué. C'est une question de temps. Mais c'est aussi une question de visitation. Il faut que Dieu te visite. Mais c'est aussi une question de prise de conscience. Il faut que tu prennes conscience qu'il existe un nom. Le royaume de Dieu manque d'argent. Et toi tu dis, moi aussi j'ai pas d'argent. Alors que c'est toi qui dois donner l'argent. Et tu dis, je n'en ai pas. Mais c'est toi qui détiens cet argent. Et parfois, Dieu laisse faire. Il sait que c'est toi. Il attend que tu prennes conscience. Il attend que tu crois. Il attend que tu te lèves et que tu deviennes ces millionnaires, que tu deviennes ces donateurs sans réserve. Et le royaume de Dieu va avancer quand tu prendras conscience et les choses vont changer littéralement. Et toi-même, tu vas en bénéficier. Toi-même, tu es bénéficiaire de ton nom. Lorsque Gédéon, 7 ans après, arrête la bêtise, la 8e année, ils n'ont pas couru se cacher. Nous sommes à 2018. Dites à ton voisin 2018. Nous n'allons plus aller nous cacher. Dites à ton voisin 2018. On ne se cache plus. Dis-lui avec force. Il dit 2018. La 8e année. Israël n'est pas parti cacher le blé. Israël n'a pas perdu de brebis. La 8e année. Israël n'est pas parti se cacher. Lève-toi à tes deux pieds, nous allons prier un peu. On va continuer demain. Ah, quelqu'un a un nom. Une femme a un nom. Un papa a un nom. Une fille a un nom. Un jeune homme a un nom. Ce n'est pas le nom de son oncle. C'est le nom qui est venu du lieu très saint. Demande à Dieu ce nom ce matin. Dis Seigneur, donne-moi mon nom. Dis Seigneur, révèle-moi mon nom ce matin. Seigneur, qu'est-ce que mon nom? Révèle-moi mon nom. Quelqu'un prie le Seigneur. Quelqu'un parle à Dieu. J'ai un nom, Seigneur. Et c'est dans ce nom que résident les solutions. Merci pour mon nom. Merci pour mon nom. Merci pour mon nom. Seigneur, j'ai un nom. Seigneur, je veux ce nom. Seigneur, révèle-moi mon nom. Seigneur, je cherche mon nom. Seigneur, je réclame mon nom. Seigneur, visite-moi dans ce tournant décisif. Donne-moi accès à mon nom. Que le trône libère mon nom. Que ton trône libère mon nom. Que ton trône libère mon nom. Je dois être une solution. Et c'est aujourd'hui. Et c'est maintenant. Vraiment édifié pour l'amélioration de votre vie chrétienne. Nous sommes sur le 19 de l'avenue Mutongo, quartier Mabanga, entrée office de route en face de la radio Sauti Angel. Notre joie est débordante de vous convier à participer avec nous au culte de dimanche de 7h30 à 9h30 au premier culte, de 9h40 à 11h40 au deuxième culte et de 11h50 à 13h50 au troisième culte qui est bilingue. Pour plus d'infos, appelez le +243 994 444 032 et visitez notre site web au www.arche-vie.org. À la prochaine sur la même fréquence à la même heure. Que Dieu vous bénisse.